franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, nous vous invitons à un voyage festif, mais aussi assez sensible. L'épopée des Verts en 1976, l'équipe de foot de Saint-Étienne. Une légende articulée d'abord autour d'une question exprimée en son temps dans un français joyeusement massacré. Qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les Verts. Bah oui, bien sûr. Mais pourquoi au juste ? On a mon public et les meilleurs supporters. Oui, et donc ? On va gagner, ça c'est juré. 1976, cette chanson chantée par Jacques Bulostin, dit Monty, et composée par Jean-Louis Donorio, qui lui n'a pas de surnom, rendait hommage aux Verts de Saint-Étienne et devenait l'hymne d'un exploit, l'accession de cette équipe à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qu'on appelle aujourd'hui la Ligue des champions. À l'époque, c'est un événement considérable, car au fil des années, on avait fini par intégrer l'idée funeste qu'un club français ou que l'équipe de France n'était pas de taille à jouer dans la cour des grands. Les Verts, précisément, ont mis fin à cette malédiction. Leur aventure, c'est la renaissance du football français. 22 ans auparavant, nous avons été tellement surpris par l'avènement de cette équipe sans vedette, venue du Forez, donc de nulle part pour beaucoup de Français, mais qui allait devenir le club de tous les Français, y compris à Nantes et à Nice, qui à l'époque étaient les deux rivaux de Saint-Étienne. Tous à l'école, aux quatre coins du pays, nous avions des cahiers à l'effigie des Verts, chacun le sien, Battenet, Piazza, Kurkovic. C'est le récit d'une belle histoire qui se déroule sur fond de poteaux carrés, de marches triomphales sur les Champs-Élysées, d'exploits d'un joueur épais comme un sandwich SNCF, Rocheteau, l'ange vert, mais aussi sur fond de corruption, la caisse noire de Saint-Étienne, première affaire de prévarication révélée dans le foot français. Les Verts, c'est enfin l'histoire d'un conte de fées qui se termine dans la nuit sombre et glacée de Glasgow, devenue crépuscule des dieux. Pour en parler avec nous en seconde partie d'émission, nous avons invité le directeur des sports de Saint-Étienne, la voix la plus célèbre parmi les commentateurs du football dans cette maison, Jacques Vendroux, bien sûr, et également au téléphone, Ivan Kurkovic, oui, qui était le gardien de but des Verts et qui nous appellera de Belgrade, car il était, à l'époque on disait, yougoslave, il est serbe et il habite à Belgrade. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 26 mai 1973, Moscou. Coup de massue pour l'équipe de France. Après une défaite 2-0 contre l'URSS, elle ne disputera pas la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest. Nouvel échec. Après les éliminatoires de la Coupe du Monde 1970 et de l'Euro 1972, pour la troisième fois consécutive, la France ne participera pas à une compétition internationale. La décennie maudite du football français continue. Qu'elle semble loin, cette troisième place à la Coupe du Monde suédoise de 1958 et les 13 buts de Juste Fontaine, record imbattable. Qu'il est lointain, le souvenir des épopées rémoises avec son meneur d'exception Raymond Coppa, deux fois finaliste de la Coupe d'Europe en 1956 et en 1959. Depuis, c'est la Bérésina, la Cata. Rendez-vous compte, le bilan des Bleus pour les années 60, c'est 35 défaites et 13 nuls pour 18 victoires seulement. Du côté des clubs français, ce n'est pas mieux. Pas un seul en quart de finale de la Coupe d'Europe depuis 1963. Alors, les Français désertent. La moyenne des spectateurs dans les stades en 1969 et 1970 est la plus basse depuis la guerre. Mais pendant que la France et les Français se morfondent, une petite révolution a lieu au cœur du pays, loin des regards et des projecteurs. À Saint-Étienne, exactement, connu pour ses armes, ses cycles et son ruban, ainsi que pour les mines de charbon alentour, mais aussi son club de football. Fondé par la famille Guichard à la tête des magasins Casino, le club de la ville, l'AS Saint-Étienne, ASSE pour les intimes, est dirigé depuis 1961 par Roger Rocher. L'homme à la pipe, le cheveu gris soyeux, toujours tiré à quatre épingles, détonne. Il gère le club comme son entreprise, avec succès. Il a rapidement installé la SSE tout en haut de l'élite française. Championnats et coupes s'enchaînent à la fin des années 60 sous la houlette de deux grands entraîneurs, Jean Snella et Albert Batteux, et de joueurs géniaux comme Rachid Mekloufi ou Salif Keïta. À Saint-Étienne, une nouvelle habitude s'installe, celle du défilé des joueurs dans les rues de la ville. Un succès qui déplaît au rival marseillais. Alors, coup sur coup, au début des années 70, l'OM, riche comme Crésus, pique les joueurs de l'AS Saint-Étienne. D'abord Carnu et Bosquier, deux internationaux. Ensuite, Keïta. Bon, ça suffit, estime Roger Rocher. D'autant que son entraîneur, Albert Batteux, décide de partir, lui aussi. Alors le président change de stratégie. Désormais, il s'appuiera uniquement sur le vivier stéphanois et sur un nouvel entraîneur. Vous prenez en main l'équipe de la SSE, c'est au fond la consécration de pas mal d'années au sein du club. Disons que c'est une continuation. Il est certain que lorsqu'on prend en main une équipe telle que la SS, avec tout le travail que cela représente, je crois qu'à ce moment-là, il faut arrêter la carrière de joueur de football. Ça me ferait un petit serrement de cœur, mais je crois qu'il est nécessaire de savoir s'arrêter au bon moment. En juin 73, c'est donc Robert Herbin, dit Robby, qui est nommé entraîneur. À seulement 32 ans, alors qu'il était encore joueur quelques semaines auparavant, l'homme à la tignasse rousse prend les rênes de l'équipe. Pour Saint-Étienne, c'est une nouvelle ère qui commence, avec à sa tête un triumvirat d'exception. Robert Herbin s'appuie sur la confiance de son président, Roger Rocher, mais aussi et surtout sur un homme de l'ombre diablement efficace, Pierre Garonner. Cet ancien maroquinier a tout simplement inventé un métier, en France, recruteur de football. Sa mission, dénicher les futurs talents ou les perles rares. Ensemble, les trois hommes amorcent le retour de l'AS Saint-Étienne au premier plan. Pour construire son équipe, Robert Herbin lance la jeune génération qui vient de remporter la Coupe Gambardella 1970 et quelques joueurs confirmés. Jean-Michel Larquet, Dominique Battenet, Christian Saramagna, Gérard Janvion, les frères Revelli. Même s'il veut composer uniquement l'équipe avec des joueurs du cru, il doit se résoudre tout de même à trouver un gardien de but et un défenseur central. C'est Pierre Garonner qui s'en charge. En Amérique du Sud, le recruteur trouve Osvaldo Piazza, solide arrière-central argentin. Pour le gardien, c'est vers l'Est qu'il se tourne. Il recrute le portier yougoslave du Partizan Belgrade, Ivan Kurkovic. Après une première saison 1973, disons, de transition, l'AS Saint-Étienne réalise un doublé exceptionnel, championnat et Coupe de France. L'équipe va pouvoir retrouver l'Europe. Malgré ce retour au premier plan, le journaliste Christian Büttner de France Inter continue de penser que le salut n'est pas encore venu. Saint-Étienne, c'est l'équipe la plus jeune de France. Cette équipe est en devenir, elle est très perfectible, elle possède une marge importante de progression. Or, le fait qu'elle ait dominé à ce point le football français cette saison est tout à fait significatif. Saint-Étienne est le champion d'un championnat médiocre, comme il est le vainqueur d'une finale de coupe médiocre. Ces joueurs ont pour la plupart un talent prometteur, mais disons-le, il manque à Saint-Étienne un ou deux très grands joueurs. C'est cela qui manque à Saint-Étienne, le petit grain de folie, le brin de génie que seuls apportent les très grands joueurs qu'on a pris l'habitude en France de faire venir de l'étranger. Et si Saint-Étienne n'en passe pas par là, j'ai bien peur qu'il n'y ait guère d'illusions à se faire sur sa carrière en Coupe d'Europe la saison prochaine. Robert Herbin s'applique à lui prouver le contraire. Pour préparer son équipe à la Coupe d'Europe, il s'inspire de ses entraîneurs précédents, Jean Snella et Albert Batteux. Le coach insiste sur la préparation physique, l'abnégation et la solidarité de l'équipe. En huitième de finale, Saint-Étienne rencontre l'équipe yougoslave de Split. Sur le terrain européen, Pierre Garonner innove aussi. Il part observer l'équipe adverse avant le match, repère les lieux, les joueurs, leur stratégie. C'est une grande première. Malgré ses préparatifs, Saint-Étienne prend l'eau dans l'enfer de Split, le froid et la boue de cette ville magnifique, soit dit au passage. Lourde défaite 4-1, les chances de qualification sont infimes. Au match retour, il faut gagner par 3 buts d'écart. Alors, le 6 novembre 1974, à Saint-Étienne, dans un stade Geoffroy Guichard en ébullition, la légende commence. Hier soir, 25 000 Stéphanois ont assisté à un véritable miracle. Il reste alors un quart d'heure à jouer et Triantafilos remplace Repellini qui se porte aussitôt en attaque. Et sur cette montée de Piazza, relayée par Patrick Revelli, Triantafilos, d'un tir croisé imparable, permet aux Stéphanois de rétablir la situation. Sur l'ensemble des deux rencontres, Spit et Saint-Étienne étaient donc à égalité à la fin du temps réglementaire. L'impossible exploit devenait réalité et la réalité allait se transformer en miracle au cours des prolongations. après ce coup franc que Triantafylos va tirer. 5 à 1, il s'est passé quelque chose hier soir à Saint-Étienne. Il est de ces matchs qui bâtissent les exploits futurs. Le stade Geoffroy Guichard gagne un surnom, le chaudron vert. Cet incroyable retournement de situation marque toute l'équipe stéphanoise. On a compris qu'elle peut renverser des montagnes. Pour la première fois depuis 1962, un club français atteint les quarts de finale de la reine des compétitions européennes. Malheureusement, sur son chemin, la AS Saint-Étienne rencontre le Bayern de Munich en demi-finale. Porté par ses récents champions du monde allemands Beckenbauer, Müller, Mayer, Breitner, les Munichois, ossature de la Mannschaft de l'époque, ne laissent aucune chance aux Verts et les privent de la finale parisienne au Parc des Princes. À charge de revanche, se disent les Stéphanois, rendez-vous l'année prochaine. En France, l'AS Saint-Étienne réalise un deuxième doublé Coupe Championnat consécutif, une performance historique. Pour autant, à l'aube de la saison 76, Robert Herbin remobilise ses joueurs. Oubliez tout ce que vous avez accompli, mais pas ce que vous avez appris, leur dit-il. Ça veut dire qu'il fera partir en conquête. Au début de l'année 75, l'AS Saint-Étienne reprend sa marche en avant. Toute l'équipe attend avec impatience de retrouver la Coupe d'Europe. Alors, comme une formalité, elle élimine Copenhague au premier tour, puis les Écossais du Glasgow Rangers en huitième. En quart de finale, Saint-Étienne tombe sur le Dynamo Kiev, emmené par le tout récent ballon d'or Oleg Blokhin, qui court plus vite que son ombre, sans doute le joueur le plus rapide de la planète. Le match aller a lieu à Simferopol. Sur le terrain, les Stéphanois sont dépassés. Le froid, la pelouse gelée, encore. Ils s'inclinent 2-0. À nouveau, les Verts sont condamnés à l'exploit au match retour. 17 mars 76, Saint-Étienne, Geoffroy Guichard. Du chaudron vert, une clameur s'élève. Allez les Verts! La ville est tout entière derrière son équipe. L'ambiance est incroyable. Le match est serré, fermé même. Le public pousse son équipe encore et encore. Sur le terrain, les 11 joueurs sont en furie. Ils se jettent sur tous les ballons. Mais la situation reste bloquée et le temps défile. Jusqu'à cette 64e minute où tout bascule. Corner donc pour Saint-Étienne, un de plus. Et la balle a sauté Battenay, qui était bien placé. À la contre-attaque, allez Blokhin. Janvier est obligé de l'accrocher et maintenant de le faucher. Il passe quand même, c'est très dangereux, c'est peut-être le but. Blokhin qui est tout seul, devant Kurkovic, il veut dribbler. Ah, quelle erreur de Blokhin, qui avait Onichenko à sa gauche et qui au lieu de tirer ou de donner la balle, a voulu dribbler Kurkovic. Et bien Stéphane Antichot, il contre-attaque aussitôt. Attention, c'est le but, oui! Eh oui, c'est le but! Et le stade explose, la confiance arrogante de Blokhin, le contre de Lopez, la remontée de Piazza, cheveux au vent et le but, bien sûr. Allez, encore un. Et les Verts sont en prolongation. 6 minutes plus tard, les Stéphanois obtiennent un coup franc aux abords de la surface adverse. Dans ses cages, Rudakov, le gardien de Kiev, entend le public, 12e homme qui fait pression dans son dos. Jean-Michel Larquet l'a vu, le capitaine s'élance. Sur ce coup franc de Jean-Michel Larquet, c'est le miracle pratiquement qui s'accomplit à Saint-Étienne, en tout cas pour l'instant. Vous l'avez vu, un tir extraordinaire qui a percé le mur soviétique et Rudakov n'a rien pu sur cette affaire. Il y avait eu deux miracles à Saint-Étienne et il y en a maintenant, en tout cas momentanément, un troisième. Incroyable, les 40 000 spectateurs exultent, ils n'en reviennent pas, les Verts ont refait le coup de split. Le bonheur se prolonge. Oui, sauf que les prolongations s'annoncent terribles. Les joueurs sont épuisés. Dominique Rochetot est percuté de crampes. Il demande à Robert Herbin s'il peut sortir. Ce dernier refuse. Non, reste sur le terrain, traîne aux abords de leur surface, t'auras une occasion. Alors le match reprend. En face, les Ukrainiens sont en meilleure forme, ils sont plus frais et ils attaquent. Kurkovic sauve l'équipe sur un tir de Lichenko. Mais côté stéphanois, il y a du sang neuf. Un joueur entré en cours de match, c'est le jeune Jacques Santini. Il lance une offensive. Il reste 9 minutes à jouer avant la fin de la prolongation. Et bien entendu, ces minutes seront très dures pour les stéphanois. Le match maintenant peut se jouer sur un coup du sort. Alors que c'est encore Patrick Revelli là. Oui, va-t-il centrer? Et c'est Rochetot qui marque. Le but de la victoire, sans doute, par Rochetot. but de Rosso. Oh, c'est extraordinaire. Je vous l'ai dit, Patrick Revelli est en grande forme. Il a réussi à dribbler toute la défense et à donner un retrait à Rosso qui a marqué. Et oui, Rosso qui souffrait de crampes il y a peu de temps, réussit le but. Et le chaudron déborde une nouvelle fois. Ce n'est plus le stade ni la ville de Saint-Étienne qui chavire, c'est la France entière. Sur son banc, Robert Arbin, lui, reste impassible. Il sait qu'il faut tenir encore plusieurs minutes. On l'appellera, non sans raison, le Sphinx. Allez, coup de sifflet final. Ça y est, les Verts sont en demi-finale après un exploit à couper le souffle. En demi, il rencontre le PSV Eindhoven. Il gagne le match aller à Geoffroy Guichard sur le plus petit des écarts. 1-0, coup franc de l'Arquet. Au match retour, on serre les dents. Les 10 premières minutes sont irrespirables. Les attaques hollandaises sont comme des vagues d'une mer en furie dans le sillage du football total, inventé par la somptueuse équipe des Pays-Bas de Johan Cruyff et Johnny Rep. En face, Ivan Kurkovic, le gardien de but stéphanois, est infranchissable. Il réussit le match de sa vie. Alors, au bout de 90 minutes de courage et d'effort, les Stéphanois lèvent les bras vers le ciel. 17 ans après le stade de Reims, un club français est en finale de la Coupe d'Europe, des clubs champions. La petite bande d'Herbin, ce groupe sans vedette, construit avec patience et intelligence, se retrouve sur le toit de l'Europe. En face, parce que l'histoire repasse les plats, c'est bien connu, ils retrouveront en finale leur ennemi intime, le Bayern de Munich. C'est le début d'une longue rivalité entre le football français inventif et le football allemand, rigoureux, calculateur, peu spectaculaire et, disons le tout net, exaspérant à l'époque. Rendez-vous est donc pris. La finale se jouera à Glasgow le 12 mai 1976. Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir, la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon. Une domination de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui mène déjà 2-0. Deux buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un de ses premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farizon. Gérard Farizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le troisième but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Des Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep. De 12 mai 1976, Glasgow. Depuis quelques jours déjà, la ville écossaise connaît une agitation inhabituelle. Elle voit débarquer des petits groupes de Français, tous de vert vêtus. Ils portent un maillot sur lequel pose un sponsor devenu légendaire, Manu France. Ils seront bientôt 30 000 supporters et ils reprennent à tue-tête une chanson qu'ils connaissent depuis peu, Allez les Verts. Elle a été écrite voilà deux semaines par celui qu'on appelle maintenant le Rouget de l'île de Saint-Étienne. Cette chanson, les Français l'entendent partout, tout le temps. Elle symbolise la fièvre verte qui s'empare du pays. Depuis 15 jours, oui, la France est arrêtée. Tous connaissent par cœur cette équipe de Saint-Étienne. Et puis chaque joueur a son surnom. On les aime parce qu'ils sont jeunes, le cheveu long et le look rock. Et puis, on les sent proche de nous, alors on s'identifie à eux. Désormais, ce n'est pas rien, les Européens savent placer Saint-Étienne sur une carte. Alors ce 12 mai 1976, c'est un peu la France entière qui est dans le mythique stade d'Hampton Park. Jean Amadou, présent pour France Inter, décrit l'ambiance. Mais rassurez-vous, ce soir, il y aura dans l'Hampton Park 25 000 Stéphanois contre 6 000 Munichois. Et leur sirène sera vite étouffée, car en France, on n'a pas de sirène, mais on a des hits. Car ce soir, qu'ils soient de Montpellier ou de Paris, de Strasbourg ou de Bordeaux, tous les Français qui sont ici sont Stéphanois. Nous sommes tous ce soir du pays de Rocher, de Durafour. D'ailleurs, Glasgow est Stéphanois. Alors 25 000 Stéphanois, plus tout Glasgow, ça serait quand même bien le diable si ça ne se passait pas au mieux. Il y a un Écossais qui attendait son autobus, m'a dit tout à l'heure, juste devant l'hôtel, vous allez gagner, hein. C'est tout juste qu'il n'a pas dit, on va gagner. Alors, comment voulez-vous qu'on en doute ? 20h45, Hampden Park, Glasgow. Les joueurs font leur entrée sur le terrain. L'équipe arrive diminuée après un match de championnat âpre face à la médiocre équipe de Nîmes qui blesse trois Stéphanois, notamment Rocheteau. Dur, quand on se sent si fragile devant ces Allemands à qui tout semble sourire, ces Allemands du Bayern de Munich qui ont succédé à l'Ajax d'Amsterdam de Cruyff au palmarès de la Coupe d'Europe des clubs champions. Spécialité, tueuse de rêves. Alors une victoire contre ces Allemands, ce serait la morale qui s'ajouterait à la joie. Pas étonnant que le stade de Glasgow soit entièrement acquis à la cause du club français. Voilà que la fièvre verte dépasse les frontières de la France. Bien, le match commence, les Verts se jettent à l'abordage. Le ball loin avant pour Patrick Rovelli, marqué de très près par Schwarzenbeck, par récupéré au centre du terrain par Christian Saramania qui est à la lutte avec Roth, récupéré de la tête par Hervé Rovelli, très bon pour Hervé Rovelli pour Batne maintenant qui monte encore, qui efface un joueur allemand qui tire. Oh, le tir sur la transversale. Le tir sur la transversale. C'est pas possible alors qu'il a été récupéré de la tête ce ballon par Patrick Rovelli. C'est vraiment la grande occasion. Premier poteau et surtout ce second poteau sur une tête de Jacques Santini 6 minutes plus tard. Maudit poteau carré. Parce que oui, les poteaux du vieux stade de Glasgow sont carrés, à la différence des autres stades. Alors, s'ils avaient été ronds, le ballon serait-il entré ? Ah, l'éternelle question. Quand ils regagnent les vestiaires, les joueurs le savent. En Coupe d'Europe, en finale, de surcroît, ce genre d'occasion ne se présente pas 100 fois. Les Verts auraient-ils laissé passer leur chance ? En face, les Allemands tiennent bon. Avec leur football d'experts comptables, moins brillant que celui de la Mannschaft de l'époque, ils gèrent le match et à la 57e minute de jeu... Un coup franc contre Piazza, oui, Piazza a commis une faute sur Müller. Et c'est un coup franc qui peut être dangereux à 20 mètres, des buts gardés par Kurkovic. Alors que Beckenbauer, c'est le but ! Et oui, il passe Beckenbauer, et c'est le but malheureusement. Oui, Beckenbauer qui a donné la balle à Roth. Et oui, but de Roth, 1-0 donc pour le Bayern de Munich. Et oui, un très beau coup franc à l'Alarqué, devrais-je dire, et oui. Terrible ce coup franc. Et puis le mur n'était pas prêt. Et puis y avait-il faute ? Bon, saura-t-on jamais ? Que voulez-vous ? Une prête corrige en football. Le temps s'écoule, Rocheteau entre, mais Beckenbauer veille au grain. Une dernière passe de l'ange vert pour Rovelli, arrêt de Seppmayer. Coup de filet final, rideau. Le Bayern de Munich a gagné sous les huées du stade. Les Stéphanois, eux, ont du mal à retenir leurs larmes. Seul Jean-Michel Larqué, le capitaine, s'en va récupérer la médaille, celle au goût amer, celle du finaliste. Ils ont tout tenté, titre l'équipe le lendemain. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur France Inter et Jacques Vendroux. car depuis plusieurs jours, le journaliste de la station insiste auprès de sa direction, il faut organiser un événement. Oui, il faut profiter de cet élan français pour ses nouveaux héros. Alors, pourquoi pas un défilé sur les Champs-Élysées ? Enfin, ils ont perdu, Jacques. Qui viendra saluer des perdants ? Et pourtant, à midi, lorsque Roger Rocher, Pierre Garonnet, Robert Herbin et toute l'équipe arrivent sur les Champs à bord de leur Renault 5 décapotable, 100 000 Parisiens les accueillent. Comme quoi, la fièvre verte n'est pas un concept, un truc fumeux. Non, elle a vraiment gagné toute la France, comme le décrit précisément Jacques Vendroux sur France Inter. Nous sommes en ce moment même juste devant les grilles du Palais de l'Élysée et que, inutile de vous décrire ce qui se passe, c'est tout simplement la cohue ici. Une voie royale, un triomphe. Les Parisiens, 100 000 d'après les premières estimations de la police, ont accueilli à bras ouverts avec enthousiasme les Stéphanois. Des verts adoptés par la capitale, par les petits comme par les grands. Sur les Champs-Élysées, noir de monde, vous l'avez dit, où il était impossible de circuler, grands-pères et grands-mères, casquettes aux couleurs de l'association sportive de Saint-Étienne et de France Inter, bien entendu, drapeau au vent, ont pendant près d'une heure ovationné des champions de France, considérés aujourd'hui comme les vrais et seuls vainqueurs de cette Coupe d'Europe 76. Du délire qui a soudain embrasé les cœurs, mais aussi les gosiers des 100 000 Parisiens, transformés pour quelques heures, vous le constatez, en Stéphanois, les Stéphanois de Paris. Dans la foulée de cette descente glorieuse sur les Champs-Élysées, l'équipe est reçue par Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Ce rendez-vous manqué avec l'histoire s'achève dans la joie et la liesse de tout un peuple réuni autour de ces champions stéphanois. Le lendemain, ils sont accueillis en héros à Geoffroy Guichard, terre de leurs plus beaux exploits. Les dirigeants et les joueurs ne le savent pas encore, mais ils sont au sommet. Et comme souvent, plus dure sera la chute. À la fin de la saison 76, l'AS Saint-Étienne remporte le championnat de France, le troisième de suite, avec Robert Herbin comme entraîneur. Alors ce dernier essaie de remobiliser ses troupes pour la nouvelle saison. Mais à Glasgow, quelque chose s'est brisé. Et de fait, à la rentrée, la lassitude s'installe dans le groupe. Des querelles internes surgissent. En championnat, les résultats sont décevants, en Europe aussi d'ailleurs. Une page se tourne et le club s'enlise. Certains joueurs, comme Jean-Michel Larquet, capitaine historique, quittent le club. Roger Rocher ne peut pas laisser faire. Il décide de changer de politique et il casse la tirelire. Coup sur coup, il recrute l'attaquant hollandais Johnny Rep et surtout le meilleur joueur français de l'époque et pour l'histoire, Michel Platini. Platini l'élégant et Rep, l'attaquant souriant, on dirait un chanteur de rock sur un stade. Sur le papier, c'est un casting génial. Et pour l'AS Saint-Étienne, c'est un nouveau cycle qui commence. Le club remporte un nouveau championnat de France en 1981, c'est le dixième. Mais en Europe, la magie n'opère plus. Et puis, au sein de la direction du club, la situation se dégrade. Robert Herbin ne se retrouve pas dans la politique menée par le club. Le rôle et les pouvoirs de Pierre Garonnet sont remis en question. La gestion du président Roger Rocher est de plus en plus critiquée. Le 1er avril 1982, le scandale éclate. Dans Loire Matin, sous la plume du journaliste Jacques Murge, un article mentionne pour la première fois l'affaire Rocher. Une partie du conseil d'administration du club, derrière les avocats Buffard et Fiellou, proches de Robert Herbin et de Pierre Garonnet, le recruteur, conteste un contrat liant la SSE à une société du nom de McCormack. Pour tous les observateurs, c'est clair, c'est un prétexte pour remettre en cause la présidence de Roger Rocher. Jacques Vendroux, encore lui, pour France Inter bien sûr, explique la situation. C'est une grosse surprise. Le président Rocher était à la tête de l'AS Saint-Étienne depuis plus de 20 ans. Et ce club a été et est toujours l'un des plus grands du football européen. Roger Rocher a donc démissionné de lui-même avec les membres de son comité directeur à la suite des malentendus entre lui et Robert Herbin. Habituellement, c'est le président qui vire, entre guillemets, bien sûr, l'entraîneur. Et bien, à Saint-Étienne, c'est le contraire. C'est l'entraîneur, appuyé de quelques membres du conseil d'administration, qui ont demandé au président Rocher de démissionner et ce dernier a accepté. Les raisons de cette démission, de ce départ, sont quand même extrêmement simples. Incompatibilité d'humeur entre Rocher et Herbin, la présence d'Ivan Kurkovic qui mettait Herbin mal à l'aise, et paraît-il, dixit les mauvaises langues, une gestion financière qui n'était pas au-dessus de tout soupçon. Les choses sont claires maintenant à Saint-Étienne, Rocher est parti de lui-même, il voulait sans doute une sortie digne de son passé, il a préféré ne pas être mis en minorité au conseil d'administration de ce soir. Effectivement, quelques jours plus tard, un conseil d'administration se tient à Geoffroy Guichard. Alors qu'à l'intérieur, Roger Rocher fait face à ses opposants, à l'extérieur, des supporters s'amassent pour soutenir leur président. Le 17 mai 1982, Roger Rocher, sept membres du conseil d'administration démissionnent. Pour la première fois, des rumeurs de caisses noires sont évoquées, les chiffres donnent vertige. Une vingtaine de millions de francs rétransités ces quatre dernières années à partir d'une double billetterie, notes de frais, détournements sur les transferts, des marges surprenantes à chaque fois. La police convoque Roger Rocher, Robert Herbin et plusieurs joueurs de l'équipe. Le président reconnaît l'existence d'une caisse noire. L'entraîneur et certains joueurs avouent avoir touché de l'argent. Un mythe s'effondre, l'image du club qui a toujours mis en avant son caractère populaire et ouvrier terni par cette histoire d'argent détournée. Roger Rocher se défend. Cette caisse noire a permis de faire rester les joueurs au club, de recruter, de maintenir le club compétitif. Poussé vers la sortie, Roger Rocher revient sur la situation. Dans sa voix, on entend la fin d'une belle histoire. Je n'accuse pas Robert Herbin. Je ne peux pas cracher dans la soupe. Robert Herbin c'est le meilleur entraîneur qui existe en France. J'ai fait avec lui pendant 8 ans le plus beau tandem qui existait entre un président et un entraîneur, non seulement en France, mais je peux dire dans le monde entier. Ce que j'ai fait avec lui d'une façon extraordinaire. Mais depuis 2 ans, les choses se sont dégradées. Et l'homme que je rends responsable de cette dégradation, c'est Pierre Garonner. L'affaire judiciaire s'achève finalement en 1991. Roger Rocher, condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. François Mitterrand lui accordera la grâce présidentielle. Le club, lui, mettra des années à rembourser les sommes dues. Cette affaire de la caisse noire achève une magnifique épopée, une passion française. Car dans la mémoire collective, cette équipe tient une place à part. Pendant 10 ans, elle a changé le visage du football hexagonal. Elle a redonné de l'espoir et de la joie à des milliers de supporters. Point de départ des nombreuses conquêtes à venir pour le football français. Ce 12 mai 1976, à Glasgow, ces Verts-là ont perdu la finale, mais ils ont ouvert la voie du succès jusqu'à l'apothéose de juillet 1998. Bien sûr, tout le mérite en revient à Zidane et à sa bande, mais peut-être en doivent-ils une part aux Verts de Saint-Étienne, ces formidables éclaireurs. Thank you. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la saga Les Verts avec notre invité Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France, la voix de commentaires de football la plus célèbre de cette maison. Bonjour maître. Bonjour. Alors, on a entendu Christian Binder tout à l'heure, hein, qui est un excellent journaliste, mais qui a pas vu, on a le droit de pas voir, que cette équipe qui était sans vedette, l'équipe de Saint-Étienne, allait avoir un destin comme celui-là. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au début, quand Saint-Étienne a commencé à gagner? Vous avez vu que c'est une équipe différente, qu'elle pouvait aller très loin? Le casting était extraordinaire, c'est-à-dire que vous aviez à la fois des jeunes, on parle de Rocheteau, on parle d'Hervé Revelli, de Dominique Battenet, et puis il y avait de Gérard Janvion, oui. Et puis il y a deux grands joueurs qui sont arrivés, d'abord Ivan Kurkovic, qui était le gardien légendaire de la Yougoslavie, de l'équipe nationale à l'époque, et surtout du Partizan de Belgrade, et d'Osvaldo Piazza. Alors il faut simplement rappeler que Piazza avait été recruté par Pierre Garonner comme ailier droit. Ils se sont aperçus qu'il n'était pas très très bon ailier droit, et donc il a été reconverti entre guillemets, ça je m'en souviens très bien, arrière central, enfin stopper. Le stopper c'était Piazza, le libero un peu à l'ancienne. C'était Lopez. C'était Christian Lopez. Donc c'était un casting réussi par Pierre Garonner, réussi par les éducateurs du club, dont un garçon dont on parle très peu qui s'appelle Robert Philippe, qui était l'entraîneur de l'équipe amateur de l'équipe de Saint-Étienne, qui les a formés. Il y avait à l'époque aussi Dominique Vézir, il y avait Dominique Rocheteau. Enfin, il y avait un certain nombre de jeunes joueurs qui se sont hyper bien entendus. Et il faut rappeler aussi, c'est sans doute le plus important, c'est que c'était des types talentueux, qui étaient sympas, ouais, qui ne se prenaient pas au sérieux. C'est vrai. Et quand on leur disait, mais tant, t'es en finale de la Coupe de Ligue des Champions... Je dis pas qu'ils rigolaient, mais je veux dire, ils faisaient le boulot sérieusement, mais je veux dire, ils se prenaient pas pour d'autres personnes. Donc il y avait un casting footballistique très fort, et aussi un casting humain. Sur le plan moral et humain qui était formidable. D'ailleurs, 40 ans après, je veux dire, le 12 mai 2016, ils vont sans doute se réunir à l'initiative de France Inter, et vous verrez, ils seront tous là, et ils seront tous très, très, très heureux de se revoir. Oh, je veux être là. Hein. Vous serez là. Bon, très bien. Cette équipe avait une particularité, aussi peut-être la plus grande particularité. Ça s'est pas vu après avec Lyon, qui a dominé le football français très longtemps. C'était une équipe de club qui était presque une équipe de France. Même à Nantes. Moi, je me souviens de Nice, de Jean-Marc Guillou. Vous vous souvenez, l'OGC Nice de Jean-Marc Guillou. Et le Nantes et de Dominique Michel. Baratelli. Et de Baratelli, le gardien de but, exactement. C'était quand même les rivaux. Même à Nice, et on trouvait des Niçois, des Nantais qui aimaient bien Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, par exemple, on parle de clubs de supporters. C'est la première fois dans l'histoire de France, n'ayons pas peur des mots, qu'il y a eu des clubs de supporters d'un club dans d'autres régions. Il y avait le club des supporters de l'AS Saint-Étienne à Strasbourg, à Lens, à Bordeaux, à Calais, je veux dire à Marseille. Et pourtant, vous avez fait allusion dans le reportage tout à l'heure de différents classicos. Eh bien, le classico à l'époque... C'était Saint-Étienne contre Nantes. C'était deux équipes qui ne se supportaient pas et ça devenait des matchs passionnants, excitants, extraordinaires. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première équipe extrêmement populaire. Et vous l'avez dit, l'équipe de France de football, médiocre. Les clubs français en Ligue des Champions ou en ce qu'on appelait à l'époque la Coupe de l'UEFA, médiocre. Et arrivent ces jeunes gamins. À la fois espiègle, insouciant, irrespectueux des autres clubs, dont celui de Nice, de Jean-Marc Guillou, ou des Girondins de Bordeaux, ou du Racing Club de Lens, ou l'avènement un peu aussi du Paris Saint-Germain. Ils respectaient rien. Ils rentraient sur le terrain pour gagner, avec folie, fantaisie et respect. Et un jour, ils m'ont raconté, on joue au foot. Ok. On joue au foot sérieusement, ok. Mais on joue au foot surtout sans se prendre au sérieux. Bien. Alors, parmi ces joueurs-là, il y avait Ivan Kerkovic, bien sûr. Alors, on a parlé de clubs de supporters. Il y a tout dans cette émission aujourd'hui. C'est-à-dire que notre reporter, Gaylor Van Wimersch, est allé voir les supporters d'aujourd'hui de Saint-Etienne. On va écouter ça ensemble, mais on va pas laisser faire attendre Ivan Kerkovic, qui nous appelle fort sympathiquement de Belgrade. On va lui poser une question. Il va écouter le reportage avec nous, et puis on le reprendra après. Bonjour, Ivan Kerkovic. Bonjour, ça me fait très plaisir de vous... J'ai écouté l'émission par téléphone, ça a été parfait, formidable. Merci, ça me fait très plaisir de vous parler, figurez-vous, car moi je suis de la génération de ceux qui étaient lycéens quand vous jouiez, et on avait tous nos cahiers de lycée, mon cahier de géo, il y avait votre photo, puis il y avait des posters dans ma chambre. J'ai l'impression d'interviewer mon poster aujourd'hui, donc ça me fait très plaisir, Ivan Kerkovic. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque? Vous allez me dire que c'est grand, que c'est beau, j'imagine. Mais encore, on va dire, peut-être pour vous, le plus grand moment. C'était quoi le plus grand moment? Écoutez, j'ai gardé énormément de souvenirs. D'abord, le football, le ballon rond, bien sûr, qui nous a amené à tout ça. Les clubs de Saint-Etienne, de l'ASS, les structures de clubs. Il y a un président, M. Rocher, un entraîneur, Herbin. La rigueur, l'amitié très grande entre nous, les joueurs. La ville qui a vibré ensemble avec nous, la France entière qui nous a adaptés avec les bras ouverts, et bien sûr le public de Stéphanois. D'abord, à Saint-Étienne, notre temple, Stade Geoffroy Guichard, le chaudron vert. La fidélité, la passion pour le couloir vert, l'amour pour le travail bien fait sur le terrain, mais aussi notre comportement de tous les jours, au dehors du terrain. Voilà, ça a été la recette qui a été très bien mélangée pour donner de suite ce qui s'est passé sur le terrain, les titres et les réussites qui sont été exceptionnelles. Et quand même, je vais vous rappeler, ça a duré, bien sûr, on peut dire, c'est une période de 72, 73 jusqu'au 80, 81. Mais les vraies périodes, avec le plus de réussite, ça a été la période, bien sûr, quand on a joué la Ligue des Champions, entre le premier match de Split et le dernier match à Liverpool. C'est-à-dire l'automne de 74 jusqu'au l'automne de 76, après la finale. Est-ce que vous avez le sentiment, Ivan Kerkovic, que vous avez été un vrai privilégié que d'avoir été l'un footballeur à Saint-Etienne à ce moment-là? Encore fallait-il avoir le talent et le niveau, hein, vous l'aviez. Est-ce que vous sentez comme un privilégié? Mais absolument, vous savez. Vous savez, pour un joueur de foot, il est très important d'arriver dans un club qui peut et apporter quelque chose, bien sûr, une petite graine de sable pour la réussite, que c'est quelque chose de plus important. J'ai eu la chance venir à Saint-Etienne. D'abord, j'ai pas signé, mais j'ai mon club Partizan de Belgrade, il a donné un accord pour aller, que je vienne à Bastia. Mais comme j'ai rien signé, après mes réflexions qui ont été comme ça, j'ai dit, mais quand même, Saint-Etienne, ça a été ancien champion, j'avais des compatriotes Durkovic et Samagi qui sont joués, Saint-Etienne doit revenir, l'ambiance publique, tout ça, j'ai dit, je préfère aller dans une ville qui est mineure qu'aller dans une île magnifique qui est la Corse, la Bastia. On fait pas sa carrière au soleil, quoi. Ça a été porté sur Saint-Etienne. Bon choix, bonne pioche. Vous restez avec nous surtout, ça va vous faire plaisir aussi, puisque notre reporter Gaylor Van Wimersch est allé auprès de supporters du groupe historique de Saint-Etienne, les associés supporters de l'ASSE, qui étaient réunis dimanche dernier dans leur local, au sein de pas du stade Geoffroy Guichard, pour vivre le match de leur équipe en déplacement ce jour-là à Caen. Visite d'abord du Musée des Verts, avec une supportrice Hélène, seul club en France, on l'a dit, les Verts, à avoir son musée. On écoute ces supporters. Vous êtes arrivé à Saint-Etienne, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Dans le musée de l'AS Saint-Etienne. À la glorieuse équipe de l'AS Saint-Etienne. Et là voilà, ça c'est la photo de match de l'équipe arrivée en finale de Coupe d'Europe en 1976. Kerkovic, le gardien de but. Jean-Viron, Rivelli, Jean-Michel Larquet, Dominique Rocheteau, Clément Teufilou. Pied gauche, Larquet, dégagement de la tête, reprise de but. But de Jean-Viron. Les fanions, les coupes, les coupures de presse de l'époque, sous vitrine, et les maillots, bien sûr. Triantafilos en position d'attaque, Bassonnet, Triantafilos, pénalty, je crois, ouais. On va passer d'un seul à côté, on va voir les fameux poteaux carrés. La grande cage en blanc que vous voyez là, ce sont les fameux poteaux carrés de la finale de Glasgow. On est devant les poteaux carrés et on vient de revoir les images de l'épopée européenne. Le club de Saint-Etienne a racheté pour à peu près 20 000 euros ces poteaux il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de revoir ces images et d'entendre les commentaires de l'époque ? À chaque fois, j'ai un pincement au cœur. Parce que les poteaux carrés, comme beaucoup de Stéphanois de l'époque, nous ont fait pleurer. Une tristesse immense. Tristesse et puis fierté de ce qu'ils avaient fait. Ah. Dans la salle de tous les trophées. Là, on rentre dans la salle des trophées. Il y a plein de coupes derrière des petites vitrines. Et imaginons que demain, un investisseur qatari ou saoudien rachète Saint-Etienne. C'est pas à souhaiter. À Saint-Etienne, il y a des supporters, il n'y a pas des spectateurs dans le stade. C'est toute la différence. Dans le local des supporters de l'AS Saint-Etienne, buvette réservée aux membres des associés supporters de la SSE. Ici, tout est blanc et vert. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les tripes. Tripes à la mode de Caen avec des pommes de terre. Cuites avec des vins blancs, des oignons. C'est pour la venue de Caen, forcément. C'est vous le cuistot ? Ouais. C'est une autre responsabilité parce que ils sont coriaces, là, quand c'est pas bon, ils sont encore plus pointu avec moi qu'avec l'arbitre, donc c'est dire. Vous êtes supporter depuis combien de temps, Michel ? Bah, je suis né en 73 et mon père m'a amené au stade, j'avais 7 ans, donc ça fait 80. Vous aviez 3 ans lors de la finale de Coupe d'Europe de Saint-Etienne. Voilà, donc que j'ai vu, mais certainement devant la télé, mais je devais y être, ça c'est peut-être sûr, mais dans un cosy, on se rappelle moins quand même. Il n'y a pas le choix, hein. On est né dans le chaudron, on mourra dans le chaudron. Toutes les sections sont représentées ici. Alors là, on a une carte de France. Donc tu t'aperçois. Et ça, c'est toutes les sections de supporters des associés supporters de Saint-Etienne. Chaque petit point vert. Il y en a partout, là. Il y en a même. Tu t'aperçois que sur la région Rhône-Alpes, on est hyper bien représenté. Tu vas au fin fond du Nord, on est représenté. Même en Belgique. Au fin fond de la Bretagne, on est représenté. Au fin fond des Pyrénées, on est représenté. Et là, je vois une carte du monde juste à côté avec des points verts. Oui, c'est quoi ? Parce qu'on a des sections là-bas. Nouvelle-Calédonie, Martinique, Guadeloupe. Et la Guyane, c'est le plus grand village de France. Les valeurs stéphanoises, c'est le travail, c'est donner le maximum de tout ce qu'on peut. Comme nos anciens qui étaient dans les mines, ils ont donné le maximum pour extraire le charbon. Voilà, c'est ça. Sachant que cette équipe-là, on ne représentera jamais le Paris Saint-Germain, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une équipe comme ça. Le mec, il doit mouiller le maillot, il doit avoir dans les veines du sang vert, et il donne tout pour le club, voilà. Dans les veines du sang vert. Bon, bah allez les verts, on va aller voir le match. Allez, allez les verts. Allez. Vous les joueurs, vous dites mon petit, c'est vos joueurs ? Oui, parce qu'il y a tellement longtemps que je suis la SS. Je suis la SS depuis 1957, j'avais 10 ans. Dans votre local de supporters, il y a une écharpe qui est accrochée au plafond, c'est marqué Saint-Etienne, Coupe d'Europe, faites-nous rêver. Oui, parce qu'on aimerait bien la revivre. Moi pour l'Europe, je suis allée jusqu'à Rotterdam en voiture. Et on a dormi 3 jours à 5 dans une Renault 16, juste pour voir 90 minutes de match. Ça, c'était en 76. Oui. C'est presque ma deuxième famille. C'est après mes enfants, mes petits-enfants, la SS, c'est tout pour moi. Depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 65 aujourd'hui, donc ça fait 58 ans que je vais au stade Geoffroy Guichard. 58 ans. 58 ans, oui. Et bien sûr qu'à l'époque, le stade n'était pas comme aujourd'hui. On tournait à la mi-temps pour voir toujours l'attaque des Verts. On a tout vu, des matchs héroïques, notamment pour l'épopée européenne, contre Hajduk Split, Dynamo de Kiev, le match retour de Coupe de France contre Nantes, la fameuse reprise de Jean-Michel Larquet. On a connu l'enfer, la descente en deuxième division, la caisse noire avec le président Roger Rocher. Et Saint-Etienne, quoi qu'il arrive, sera toujours aimé. Parce que nous sommes un club simple, on n'est pas business, comme malheureusement il se passe aujourd'hui. Nous, on voit un match à Geoffroy Guichard, c'est une communion, c'est une institution. Ça va de père en fils. Les Verts, c'est sacré à Saint-Etienne. D'ailleurs, il faut savoir une chose, que Saint-Etienne est une ville quand même fortement touchée par le chômage. Hein. Et grâce à notre équipe de foot, eh ben, on parle de nous. Et quand bien. Voilà. Voilà, ça s'appelle la culture populaire ou la joie du peuple, la joie des peuples dont nous faisons partie. Yvan Kurkovic, vous êtes toujours là ? Oui. Vous connaissez le journaliste Jacques Vendroux ? Vous êtes, vous connaissez le journaliste Jacques Vendroux de France Inter ? Il va vous poser une question. La voix de légende. Ah bah écoutez, deux légendes. La voix de légende qui reste comme les succès de l'ASS. Bon ben je laisse deux légendes se parler, mais pas longtemps, hein, Jacques. Parce que non, je voulais simplement dire à Yvan, que je sais qu'il est en direct avec nous, que on a beaucoup parlé de la réussite de Saint-Étienne, de la popularité de Saint-Étienne, et Yvan Kurkovic, au-delà de Robert Herbin, bien sûr, qui était le patron à l'époque, était sur le terrain le guide. Donc quand Yvan est arrivé à Saint-Étienne, il a eu un rôle extrêmement important à jouer et c'est lui qui a porté cette équipe de Saint-Étienne vers le succès en donnant des conseils. Parce que Yvan Kurkovic, il était le grand frère de ces petits jeunes et avec son ami Jean-Michel Larquet, eh bien ils ont emmené Saint-Étienne vers les plus grands succès. Faut pas l'oublier ça. On l'oublie pas. Je t'embrasse Yvan. Bien. Je t'embrasse, Jacques. Merci. Ok. T'as tout dit. T'as tout dit. J'ai rien à ajouter. Voilà. Merci, Yvan Kurkovic, votre témoignage. Ça nous a fait plaisir de vous entendre. Au revoir. À bientôt, peut-être. Merci pour cet reportage. Ça a été formidable. Merci. Au revoir. Jacques, quand même, la caisse noire, ça a été important parce que c'était le côté affaire sensible de l'affaire. Alors, ce qui était très curieux, c'est que vous l'avez très bien résumé. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire de caisse noire dont nous avons beaucoup parlé, dans les médias. Mais très curieusement, ce club étant tellement populaire aux yeux des gens que cette histoire de caisse noire n'a pas terni, l'image de l'AS Saint-Étienne encore c'est maintenant. Mmh. C'est-à-dire que au moment où il y a eu la caisse noire, tout le monde en a parlé évidemment, mais tout le monde est passé à autre chose parce que la popularité de ce club était extrêmement importante et le public et les supporters disent bon, ils ont fait une connerie, ils ont fait une grosse erreur, on va passer à autre chose, il faut oublier et il faut reconstruire une nouvelle équipe, avec de nouveaux joueurs, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'était pas bien ce qui a été fait. Ok, on va pas refaire l'histoire. Sauf que ça n'a pas porté tellement préjudice, à la gloire des Verts. Parce que tout le monde, dans notre vie, Fabrice Drouel, nous avons été supporters des Verts. Mais bien sûr. Bah justement, une dernière question assez personnelle. Est-ce que vous avez la nostalgie de ce moment-là? Nostalgique. Donc la nostalgie, c'est un sentiment étrange, hein. C'est un attachement au passé, c'est une madeleine, c'est aussi peut-être quelques regrets, je ne sais pas. Aucun regret, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de vivre cette aventure de très près parce qu'on était très copains avec les joueurs. Moi je m'entraînais avec les joueurs, ça c'était fabuleux. Le décrassage, gardien de but, le décrassage du lendemain, comme je joue avec le Variété Club de France, il fallait que de temps en temps que je m'entraîne. Donc je demandais à Herbin si je pouvais m'entraîner le lendemain des matchs, il me disait oui tout le temps, ou j'allais m'entraîner avec l'équipe de CFA. C'est vrai que c'était une période très forte dans ma vie de journaliste, mais vous savez, aujourd'hui, avec le multiplex football qui a lieu sur France Info, avec les autres matchs, des différentes générations, la vie est également très très agréable. Faut pas sans arrêt vivre avec le passé. Bon. Mais c'est vrai qu'on s'est bien marré. Bon, mais j'imagine, oui, quand on est footballeur amateur, on est entraîné par Robert Herbin, c'est un peu comme si j'allais prendre des cours de guitare avec Paul McCartney. Exactement. Bon, ben voilà. Exactement. Un accord de la chance. Merci Jacques Vendroux, merci infiniment. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la saga des Verts, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les affaires Balkany.